إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أما بعد donc إن شاء الله va commencer une petite conférence qui a été faite par le Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah. Et le titre de cette conférence qu'il a donné, c'est Thamaratul Iman wal Furuqu bayna mawaqif al mu'minin wa mawaqif al munafiqin kama ja'a fil Qur'an al Karim. C'est-à-dire l'esprit de la foi et les différentes positions des croyants, les différentes positions des croyants et les positions des munafiqin, des hypocrites, face à différentes situations, différentes choses qui se sont produites à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lire ça ensemble, inshallah, puis on va essayer de profiter des leçons à ce sujet-là. Surtout à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, il y a beaucoup d'épreuves auxquelles les musulmans doivent faire face dans leur foi et dans leur religion. Il y a toutes sortes de difficultés que les musulmans doivent affronter, en particulier dans cette société, et donc tout ça, ça fait partie des épreuves de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve dans plusieurs des choses qui se passent aujourd'hui, et on peut pas espérer, on peut pas penser que on va dire qu'on est musulman ou qu'on a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, puis que ça y est, les choses vont être faciles pour nous. Et que, les hommes vont nous dérouler le tapis rouge pour dire que ça y est, vous êtes mu'minine, vous croyez en l'islam, on va vous faciliter tout. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, est-ce que les hommes croient qu'on va les laisser dire, nous croyons, et qu'ils ne seront pas éprouvés? On a certes éprouvé ceux qui étaient avant eux, pour savoir qui d'entre eux était véridique et qui d'entre eux était des menteurs. Donc, il faut qu'il y ait des épreuves. C'est pas quelqu'un qu'on dit, ça y est, on est musulman, on dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et puis c'est fini. Non, il faut qu'il y ait des tests et des épreuves dans notre foi. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, donc, par rapport à cet islam, par rapport à cette foi qu'on a acceptée, comment on doit se comporter face ou vis-à-vis différentes épreuves auxquelles on doit faire face dans notre vie, comment on doit réagir. Puis c'est ces réactions-là face à ces épreuves-là qui fait en sorte qu'on est capable de distinguer qui sont les vrais croyants, qui sont les menteurs, qui sont les munafiqin. Le Cheikh dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, يمن على من يشاء بهدايته للإيمان ويخذل أهل الكفر والطغيان وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان أما بعد فهذه كلمات عنت بخاطري حول ما بينه الله تعالى في كتابه من مواقف المؤمنين والمنافقين وأردت تسجيل ما حضرني منها فأقول وبالله التوفيق لا شك أن الإيمان نور يقذفه الله في قلب العبد أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام والإيمان منة من الله على العبد بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. Donc le cheikh il commence en disant que la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il guide qui il veut à la foi. Et il égare également, il laisse s'égarer les koufars et les gens de la transgression qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, et paix et salut sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons et ses fidèles et ceux qui l'ont suivi de la meilleure façon. Ensuite, il dit ça, c'est quelques paroles qui, que le cheikh Al-Fawzan a eu dans son esprit, et il a voulu les marquer et les noter pour expliquer les différentes choses qui clarifient les positions des croyants et des munafiqines dans le Coran. Donc il a lu plusieurs versets qui l'ont fait réfléchir, puis il a voulu mettre par écrit ses différentes réflexions qu'il a eues par rapport à ce sujet-là, puis il les a mis par écrit. Et il a commencé en mentionnant, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala son succès, il dit, il n'y a pas de doute que la foi c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala jette dans le cœur du croyant. Et il mentionne le verset 22 dans surat Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, « Afaman شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. » C'est-à-dire celui que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la poitrine à l'islam, c'est-à-dire son cœur, sa poitrine s'est élargie et s'est ouverte à l'islam, et donc il est sur une lumière qui vient de son Seigneur. Et il mentionne verset 125 dans surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut la guidance, alors il ouvre sa poitrine à l'islam. Il fait que sa poitrine s'élargisse par rapport à l'islam, il se sent en paix et il aime l'islam. Et il mentionne que la foi c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent des fois comme dernièrement il y a une vedette qui est morte, il y a des gens qui disaient « Ah, on a entendu qu'il est converti à l'islam ». Et certains s'imaginaient par exemple qu'ils disaient « Ah ben c'est une faveur que cette personne-là faisait à l'islam du fait que parce qu'il était célèbre, il est mort, donc l'islam a une faveur du fait que cette personne-là a accepté cette religion ». Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit en fait que non, c'est le contraire en réalité, c'est une faveur qui est faite à cet individu-là qui a accepté l'islam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous guide, il nous fait une faveur. C'est pas nous qui faisons une faveur à l'islam. Et donc, il mentionne des versets à ce sujet-là. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Donc, le verset 17 dans Surat al-Hujurat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous fait une faveur et qui vous rappelle cette faveur qu'il vous a fait en vous ayant guidé à l'islam. En vous ayant guidé à l'islam. Et ça, c'est pas seulement pour les gens qui sont convertis à l'islam, mais même pour ceux qui sont nés dans l'islam. C'est pas une faveur qu'on dit, oh Allah, regarde, je suis musulman, je t'adore, je fais la salade, je fais ce que tu m'ordonnes. Donc, c'est comme si tu rappelles à Allah subhanahu wa ta'ala la faveur que tu lui fais en étant musulman. Non, c'est le contraire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te fait une faveur de t'avoir guidé à l'islam et de faire en sorte qu'il te permet de l'adorer et te donne cette bénédiction et cette faveur-là de la foi. Le cheikh, il dit ensuite, وَالْإِيمَانُ اِعْتِقَادٌ وَعَمَلٌ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ولهذا عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو بهذا الاعتبار ضمانة الثبات في مواقف الامتحان ومركب النجاة من طوفان الفتن وأمواج المحن وقد علق الله على الإيمان خيرات كثيرة عاجلة وآجلة فرتب عليه توفر الأمن والهداية في الدنيا والآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كما رتب عليه حصول الحياة الطيبة وتوفر الأجر الحسن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Le cheikh il mentionne que la foi dans l'islam c'est pas juste quelque chose que tu dis avec la bouche, que tu dis ça y est moi je suis croyant, non, c'est des actions et une croyance et des actions. Comme l'imam al-Hassan al-Basri qui était un des élèves des sahaba, un des grands tabi'in, al-Hassan al-Basri, il disait, la foi c'est pas quelque chose que tu montres ou que tu prétends. La foi c'est qu'est-ce qui est dans le cœur et qui est confirmé par les actions que tu fais. Donc si les actions que tu fais sont en accord avec ce que tu prétends de la foi, dans ce cas-là, c'est la preuve que tu as al-iman. Mais sinon, c'est pas juste quelque chose que tu peux dire comme ça avec ta bouche. Et les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont défini la foi. Ils ont clarifié ce que ça signifiait. Et ils ont dit que la foi dans l'islam, c'est une parole que tu prononces avec la langue, comme quand tu dis la ilaha illallah, ça c'est une parole que tu dis avec la langue, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc ça fait partie de la foi. Wa'tiqadun bil qalb, toutes les croyances que tu dois posséder, que tu dois avoir dans ton cœur. Al-imanu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyawm al-akhir. والإيمان بالقدر خيره وشره et aussi également bien entendu l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, التوكل على الله, الرجاء et toutes les autres formes d'adoration que tu dois faire avec ton cœur, tout ça, ça fait partie de l'Iman. Donc ça c'est l'i'tiqad bil qalb. Et la troisième partie de la foi, de la définition de la foi selon Ahlus Sunnah, c'est والعمل وعمل الجوارح, c'est-à-dire les actions du corps. Les actions que tu fais avec ton corps, comme le jeûne, la salat, le hajj, la zakat et toutes les autres formes d'adoration que tu fais avec ton corps, tout ça, ça fait partie de la foi aussi. C'est des choses qui comprennent la foi. Et c'est pas une chose statique qui reste stable et qui est neutre et pareil pour tout le monde. La foi, elle augmente et elle diminue. La foi, elle augmente et elle diminue. Et comme le Cheikh il dit, selon Ahlus Sunnati wal Jama'a, yazidu bis ta'a wa yankusu bil ma'siyah. Elle augmente la foi avec les obéissances que tu fais. Plus tu fais des choses que Allah t'ordonne de faire, plus ta foi augmente, et plus tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien plus ta foi diminue. D'accord? Donc c'est pas une foi qui est stable toujours, elle augmente et elle diminue, et en même temps, d'une personne à l'autre, elle est différente. Une personne peut avoir une foi comme la montagne, une autre à côté peut avoir une foi comme une graine de moutarde. Donc la foi, elle n'est pas une chose qui est stable et qui n'est pas pareille pour tout le monde. Donc, ça c'est la définition de la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et il dit, c'est en prenant ça en considération qu'on peut comprendre le fait qu'il est important de rester ferme dans les tribulations, dans les épreuves qui vont nous atteindre. Et c'est de s'accrocher à cette foi-là qui va faire en sorte qu'on va être sur la voie du salut et qu'on va être sauvé de l'égarement et des tentations et des épreuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a relié à la foi plein de choses qui sont des promesses de bien et des choses de bien dans cette dunya et dans l'au-delà par rapport au fait qu'on ait la foi. Par exemple, il a mentionné que celui qui a la foi, eh bien, ça vient toujours c'est souvent relié avec la guidance. La foi, c'est relié avec la guidance. Parfois, il mentionne la foi et il mentionne aussi que c'est relié avec le fait d'avoir une bonne vie et de vivre d'une vie qui est bonne. Donc il mentionne le verset 82 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ceux qui ont cru et qui n'ont pas recouvert leur foi d'injustice, ceux-là ils auront la sécurité, ils seront bien guidés. Donc on voit que ici il y a le lien entre la foi et Al-Amn, c'est-à-dire la sécurité, et aussi avec Al-Huda, la guidance. Et ils sont bien guidés. Donc ceux qui ont la foi, ils sont bien guidés aussi. Et c'est relié ensemble. Et aussi il mentionne que ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres, que ce soit un homme ou une femme, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une vie qui est bonne. فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et on va leur donner la meilleure récompense pour ce qu'ils ont fait de mieux. Et donc ça c'est le verset 97 dans Surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala il nous promet ces choses-là, donc tout ça c'est relié à la foi. وَقَدْ تَكَلَّفَ اللَّهُ بِالدِّفَاعِ عَنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ خَاصَّةً إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْإِيمَانُ الَّذِي هَذِهِ مُمَيِّزَاتُهُ ذُو أَرْكَانٍ سِتَّةٍ وَذُو شُعَبٍ تَزِيدُ عَلَى سبعين شعبة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إن الإيمان بأركانه الستة وشعبه البدع والسبعين وحدة متكاملة يشمل كل ما يجب الإيمان به ولا يكفي الإيمان ببعض هذه الشعب والأركان دون البعض إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Donc le cheikh il mentionne ici que donc ça c'est la foi qu'on vient de définir et qu'on a mentionné avec toutes les caractéristiques qu'elle peut avoir et cette foi comme on a mentionné elle a des piliers, 6 piliers et elle a également un nombre de branches très grand et dans certains hadiths c'est mentionné 70 et quelques branches, d'accord. Et Allah, donc il mentionne le hadith qui dit que la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini la foi en disant que c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination, qu'est-ce qui a été prédestiné pour nous, de bien ou de mal. Il faut croire que ces choses-là font partie de la foi, que ça c'est la foi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également expliqué que la foi, elle est composée de 70 et quelques branches, ou 60 et quelques branches. La plus haute d'entre ces branches-là, la meilleure d'entre elles, c'est de dire « La ilaha illallah ». Et la plus basse d'entre elles, c'est d'enlever quelque chose dans le chemin qui peut causer un tort ou une nuisance aux gens. Et la pudeur, la timidité, est une des branches de la foi. D'accord? Donc, ça c'est l'explication et les définitions que, en fait, la foi, elle a des branches et elle a des piliers aussi. Et tous ces piliers-là et toutes ces branches-là, elles forment un tout. Hein, la foi n'est pas comme, disons, malgré qu'elle est composée de plusieurs choses, mais ça forme un tout, ok. Et elle comprend tout ce qui est obligatoire aux croyants d'avoir comme croyance, et c'est pas suffisant, comme le cheikh il le dit, de croire en une partie de ces branches-là, ou une partie de ces piliers-là, mais il faut croire en tous les piliers et toutes ces branches-là en entier. Si tu crois juste en une partie, et que tu rejettes le reste, et ben c'est comme si tu as tout rejeté en entier, d'accord. Et il mentionne justement à ce sujet-là le verset 150 à 152 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Certes, ceux qui rejettent la foi en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers dans la foi, et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux et nous rejetons certains d'entre eux, et ils veulent suivre une voie entre ces deux voies-là, ceux-là sont les vrais mécréants, ceux-là sont les vrais al-kafiruna haqqa, sont les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant ou avilissant. Et ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont fait aucune distinction entre aucun d'entre eux, alors ceux-là, ils auront, on leur remettra leur récompense et Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur et miséricordieux. Donc ça veut dire que tu peux pas dire je crois en certains messagers et je crois pas en d'autres. Je crois en certains anges mais je crois pas en d'autres. Je crois en certains livres mais je crois pas en d'autres livres. Ou bien commencer à faire un tri dans la foi et dans qu'est-ce qui a rapport avec l'islam. Non. Tu dois accepter la foi comme un tout. وَمِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ لَا يَتْرُكْ عِبَادَهُ بِدُونِ اخْتِبَارٍ يُمَيِّزُ الصَّادِقُ فِي إِيمَانِهِ مِنَ الْكَاذِبِ الْمُنَافِقِ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهنا سيظهر الفرق بين مواقف أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران وسنعرض هنا جملة من تلك المواقف كما بينها القرآن الكريم. لشيخ الزيد سفي بعثي دلع ساجس بالله سبحانه وتعالى qui n'a pas laissé ses serviteurs sans une épreuve, sans un test, ok, pour être capable de distinguer entre celui qui est véridique dans sa foi et celui qui est menteur. Il faut qu'il y ait des épreuves. Et Allah, il dit dans le Coran, le verset que j'ai mentionné au début, dans Surat Al-Ankabut, est-ce que les hommes croient qu'on va les laisser dire, nous croyons, et qu'ils ne seront pas éprouvés ou testés? Certes, nous avons éprouvé ou mis à l'épreuve ceux qui étaient avant eux, ou ceux qui étaient avant eux, c'est ça, pour que Allah puisse savoir ceux d'entre eux qui sont véridiques et ceux d'entre eux qui sont des menteurs. Donc il faut qu'il y ait l'épreuve. Et ça, souvent, c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté avec ça, surtout à l'époque actuelle. Il y en a qui s'imaginent que tout devrait aller bien, on ne devrait jamais avoir des problèmes si on est des croyants. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que si tu es un croyant, c'est là que tu vas avoir des difficultés et des épreuves. Il faut aussi quand même faire attention, parce qu'il y en a parfois, ils font des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, et puis après ils ont des épreuves et des difficultés, et puis ils pensent que ça c'est des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est eux-mêmes qui se sont mis dans la fitna, et qui ont couru après les problèmes, et puis après ils essaient de prétendre que ça c'est parce que, yani, ils ont été éprouvés dans leur foi. Non, ça vous avez couru après les problèmes parce que vous avez contredit le Coran et que vous avez contredit la Sunna et la compréhension des salaf salih. Hein? Mais si vous êtes vraiment en train d'appliquer le Coran et la Sunna selon la compréhension des Sahaba et selon la compréhension des Salaf et selon les explications des ulama de l'islam et que vous faites la da'wa avec sagesse et avec hikmah et que vous avez des difficultés par la suite à cause de ça, là ça c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un test d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas comme certains qui veulent faire des problèmes, qui veulent faire des troubles dans la société ou ailleurs de différentes façons qui sont contraires à l'islam, puis après ça ils disent ça c'est une épreuve, puis après il dira, ceux qui ne sont pas comme nous ou avec nous sont des munafiqs. Non. Donc il faut bien mettre les choses à leur place. Il y a des gens par exemple dans des pays musulmans qui ont contredit la sunna dans différentes façons. Par exemple s'il y avait des problèmes, ils disent qu'ils veulent appeler à établir un état islamique ou un pays musulman. Puis après ils s'opposent aux dirigeants et aux gouvernements dans ces pays-là, et ils appellent à la rébellion ou à la révolte armée. Et ça, c'est contraire à la voie des salafs, c'est contraire au Coran et à la Sunna. Donc après, il y a une répression, et ils se font enfermer ou se font arrêter par la suite, et ils disent, ah, regardez, ils sont contre l'islam, ils sont contre nous. Ils ne sont pas contre l'islam, ils ne sont pas contre vous, ils sont contre ce que vous avez fait, qui est contraire au Coran et à la Sunna. De faire de la fitna dans la société, de contredire l'islam. La fitna, c'est quoi? La fitna, c'est quand tu contredis l'islam. Quand tu contredis le Coran, quand tu contredis la sunna, c'est ça la fitna. La fitna, c'est pas d'appeler les gens au Coran et à la sunna. La fitna, c'est de faire le contraire. Hein? Et donc, c'est comme on discutait avec un frère à ce sujet-là, et puis on parlait justement à ce sujet-là, et il y en a qui pensent que des fois, quand tu appelles au Coran et à la sunna, ils disent, ah, mais tu fais la fitna. C'est important de comprendre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à la tribu de Quraysh pour les appeler au tawhid et à l'islam, les gens de Quraysh, qu'est-ce qu'ils disaient à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur disait arrêtez d'adorer les idoles, adorez Allah seul, il disait, lui il fait la fitna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait la fitna, il veut diviser les Arabes, il veut nous écarter de la religion de nos ancêtres, il veut qu'on arrête d'adorer nos idoles. Donc ils ont dit, ah ça c'est la fitna. Mais est-ce que c'était la fitna? Non. Il veut au contraire éliminer la fitna. La fitna, c'est de faire le contraire de ce qui est ordonné par Allah et par son messager. Et d'appeler les gens au shirk et à la bid'a et à l'égarement. Et d'éliminer la fitna, c'est de ramener les gens au Coran, de ramener les gens à la sunna et de ramener les gens à la compréhension des salaf salih. C'est ça qui vient éliminer la fitna. Mais les gens maintenant, ils ont renversé la fitna. Ils pensent que rester sur la bid'a ou rester sur la division, rester dans les fausses compréhensions, ils pensent que ça c'est au moment où les gens ne s'opposent pas les uns les autres, que tout le monde est en train de se taire devant qu'est-ce qui est faux, ils disent ah ben ça c'est, il n'y a pas de fitna maintenant. Et si quelqu'un vient les appeler et dire qu'est-ce que vous faites, c'est contraire à la sunna, c'est contraire au tawhid, c'est contraire à l'islam, ils disent ah lui il veut faire la fitna, il veut nous diviser. Non. On veut ramener les gens à la vérité, ramener les gens au Coran, ramener les gens à la sunna, et on veut éliminer la fitna. Donc il ne faut pas renverser les choses et mettre les choses à l'envers. Et le cheikh, il dit, on va mentionner quelques exemples dans le Coran qui nous aident à distinguer entre les positions des croyants et les positions des munafiqines, des hypocrites, par rapport à différentes choses qui peuvent se produire. Le cheikh, il mentionne, il dit, فمن ذلك موقف الفريقين عندما يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه قال الله تعالى عن موقف المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ثم بين سبحانه موقف المؤمنين عندما يدعون إلى حكم الله ورسوله بينهم فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وهذا موقف الفريقين عندما يدعيان إلى التحاكم إلى شريعة الله وهو موقف لا يزال يتكرر كلما حدثت قضية أو عرضت نازلة المنافقون يريدون حكم الله ورسوله فيما إذا فيها إذا كان لهم أما إذا كان عليهم فإنهم يهربون إلى حكم الطاغوت ليخلصهم من حكم الله والمؤمنون يريدون حكم الله على كل حال سواء كان لهم أو عليهم Donc le chef il explique, il dit, on voit apparaître la distinction entre la position des croyants et la position des hypocrites lorsqu'ils sont invités au jugement d'Allah et au jugement de son messager pour que Allah et son messager jugent entre eux lorsqu'il y a un désaccord ou un conflit. Bien entendu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui n'est pas vivant parmi nous. Toutefois, sa sunna, elle est là. Sa sunna, elle existe parmi nous. Et le Coran existe. Et le Coran nous explique le verdict ou le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur différentes situations. Et donc, quand on parle de retourner à Allah et à son messager, on parle en fait de retourner à le Coran, au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit donc, on voit que, par exemple, lorsqu'il y a un appel, il y a un problème ou une question à régler et qu'on appelle les gens à revenir à Allah et à son messager, au Coran et à la Sunna, pour avoir le verdict, eh bien on remarque que les munafiqins, ils ont une attitude bien spécifique. Et le cheikh, il mentionne les versets qui parlent de ça dans Surat An-Nur, le verset 47 à 50. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils disent, nous croyons en Allah et en son messager, et nous obéissons. Puis ensuite, il y a un groupe d'entre eux qui se détournent, et ce ne sont pas ceux-là les croyants. Donc ça veut dire, tout le monde, parmi les gens qui sont ensemble, ils sont invités à régler un problème, selon le Coran et la Sunna. Avant ça, tout le monde dit, on est tous croyants, on croit en Allah et à son messager, et on obéit. Mais lorsque l'épreuve arrive, et qu'on doit juger maintenant entre les hommes, par rapport au Coran et à la Sunna, voilà qu'il y en a une partie d'entre eux qui se détournent, ils ne veulent plus juger par le Coran et la Sunna. Et Allah il dit, ce ne sont pas ceux-là les croyants. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Et il dit, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ Et lorsqu'ils sont invités lorsqu'ils sont invités à revenir à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, voilà un groupe d'entre eux qui se détourne. Voilà un groupe d'entre eux qui se détourne. Et si le verdict est en leur faveur, ils se précipitent pour venir pour que tu juges. C'est-à-dire s'ils savent que la réponse que tu vas leur donner, selon le Coran et la Sunna, c'est en leur faveur, ils se précipitent vers toi pour avoir la réponse. Ils savent que c'est en leur faveur. Hein? Et وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ إذِ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِمْ مُذْعِنِينَ Donc si le verdict est contre eux, ils s'éloignent, ils s'écartent. Mais si le verdict est en leur faveur, ils se précipitent. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا Est-ce que dans leur cœur il y a une maladie ou bien ils ont un doute أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ Ou bien ils craignent que Allah leur fasse une injustice ainsi que son messager. Hein? Bien sûr, Allah ne fait pas d'injustice. Et si tu as fait un crime ou tu as commis quelque chose d'incorrect et que tu dois être puni et que le verdict est contre toi, eh bien tu dois t'y soumettre parce que ça vient d'Allah ce verdict-là. Et si c'est en ta faveur, c'est toi qui gagnes, là tu es content et tu y vas. Mais quand c'est contre toi, tu t'écartes comme si ce n'était pas le verdict d'Allah. Non, ça c'est pas correct. Le croyant, il doit accepter le verdict d'Allah, que ce soit pour lui ou que ce soit contre lui. Hein? Et il dit, Allah, à leur sujet, « Bal ulaika humu dhalimun » Ce sont eux les injustes. Donc l'injustice, ça vient d'eux-mêmes, et c'est eux les injustes, c'est pas Allah, c'est pas le prophète Mohammed qui leur fait de l'injustice. Et puis ensuite, Allah, il clarifie donc la position des vrais croyants, eux, comment ils réagissent lorsqu'ils sont appelés à juger selon Allah et son messager. Allah dit juste après dans le verset 51, la parole des croyants lorsqu'ils sont invités à Allah et à son messager pour qu'ils puissent juger entre eux, c'est de dire « Nous avons entendu et nous obéissons ». Et ceux-là, ce sont ceux qui auront le succès, dans cette vie dans l'autre. Hein? Donc les croyants, c'est ça leur position. Et ça, on a ces réalités-là, comme le cheikh il le dit, elles se reproduisent constamment dans la vie. À chaque fois qu'il y a un sujet ou une question dans laquelle on doit juger, c'est pas seulement quand on va au tribunal devant un juge dans un pays musulman où il y a un jugement islamique selon la charia, mais même entre nous, dans nos vies de tous les jours, dans notre famille, dans nos mosquées, dans nos organisations islamiques, dans toutes les choses qu'on fait, lorsqu'on a un conflit ou un désaccord, de retourner et de ramener le jugement à Allah et à son messager pour trancher entre nous. Il y en a, si tu leur dis « on va juger selon le Coran et la Sunna », ils ne veulent pas, ils disent « non, ça ne marche pas ». Parce qu'ils savent que si on juge selon le Coran et la Sunna, ils n'ont pas de chance, ils ne vont pas avoir le verdict en leur faveur. Alors qu'ils disent « non, on va prendre une autre loi, ou on va prendre un autre système pour juger entre nous dans ces conflits-là. On va prendre la charte, on va prendre X, on va prendre Y ». Ils ne veulent pas revenir au Coran et à la Sunna. Ça, c'est l'attitude des munafiqins. Et ça, c'est une des caractéristiques aussi parmi les gens de Bid'ah. C'est une de leurs caractéristiques parce qu'ils n'aiment pas retourner à la vérité. Ils aiment suivre leur passion. Et c'est ça, donc, une de leurs caractéristiques. Il y a toujours un lien entre l'attitude des munafiqins et l'attitude des gens de Bid'ah. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a une ressemblance entre eux. Peu importe la bid'a qu'ils suivent. Et le cheikh il dit, et ça c'est la position des deux groupes, on l'a vu, la position des croyants et la position des munafiqins, lorsqu'ils sont invités à juger selon la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est, comme le cheikh il dit, c'est une situation ou une réaction qui se reproduit à chaque fois qu'une question apparaît ou un problème apparaît entre les musulmans. Les munafiqins, ils veulent le jugement d'Allah et de son messager uniquement quand c'est en leur faveur, tandis que lorsque c'est contre eux, ils s'enfuient et ils vont vers le jugement du Tahout. Et le Tahout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une idole ou yani le shaytan ou n'importe quelle chose qui est satisfait d'être adoré et qui appelle les gens à l'adorer, ou bien qui est obéi dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est satisfait de ça. Ça c'est le tahout. Ou bien aussi une loi ou un système qui est contraire à l'islam. Ça peut être considéré comme un tahout. Donc si quelqu'un appelle les hommes à juger par une loi autre que la loi d'Allah, il appelle à juger au tahout. Ça fait partie du tahout. Et donc ça c'est la position des munafiqins. Toutefois les croyants eux, ils veulent toujours revenir au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe que ce soit en leur faveur ou contre eux. Et il y a des musulmans, parfois ils vivent dans des sociétés comme ici, et puis ils disent par exemple, ils connaissent tous les détails de la loi. Hein, la loi des kuffars, ils les connaissent de A à Z. Et quand ils ont un sou en leur faveur, ils le savent, ils savent les détails. Et c'est pour ça qu'une fois je discutais avec un frère, j'ai dit « Subhanallah, si certains musulmans, ils étudiaient l'islam, comme ils ont étudié la loi française, ou la loi canadienne, ou la loi américaine, ils seraient des savants de l'islam. » Wallahi, comment ils ont étudié la loi française, la loi américaine, la loi canadienne, ils connaissent tous les petits détails, comment retirer un sou s'il faut, ils vont le retirer. Mais quand c'est le Coran et la Sunna, ils demandent à X, ils ne savent pas trouver la réponse. parce qu'ils ont mis des efforts dans les études de ces choses-là, mais peu d'efforts dans l'étude de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un problème. Et le cheikh il donne un autre exemple. Il dit وَمِنْ ذَلِكَ مَوْقِفُ الْفَرِيقَيْنِ عِنْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ وَعِنْدَ تِلَاوَتِهِ فَالْمُؤْمِنُونَ يَزِيدُهُمْ نُزُولُ الْقُرْآنِ وَتِلَاوَتُهُ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ والمنافقون يزيدهم ذلك رجسا إلى رجسهم ويتحينون الفرص للانصراف عن سماعه قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم إلى قوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لشيخ الإكسبليكي إلتي et on voit que ça c'est des réflexions du Cheikh Al-Fawzan et ces réflexions là c'est un signe de quelqu'un qui lorsqu'il récite le Coran, lorsqu'il lit le Coran, il médite sur les sens du Coran. Il ne fait pas juste lire comme ça, il lit et en même temps il réfléchit, il essaie de comprendre. Et donc on voit que les réflexions du Cheikh sont vraiment, mashallah, éclairantes par rapport à la compréhension de l'islam et du Coran. Donc il dit ici, on voit l'exemple aussi des deux groupes, des munafiqines et des mu'minines et des munafiqines, quand il y a la descente de certains versets du Coran, parce qu'on sait que le Coran, il n'a pas été révélé d'un seul coup, il a été révélé par partie, selon les événements et les situations qui se produisaient à l'époque. Et donc, le cheikh dit que lorsqu'il y avait des versets qui étaient descendus et qui étaient récités, les croyants, ça augmentait leur foi, et le fait de le réciter, ça faisait augmenter leur foi. Et ils se réjouissaient de ça. Comment ça faisait augmenter leur foi? Premièrement, par la connaissance, le fait qu'ils augmentaient en connaissance par rapport à ces versets-là. Également, le fait qu'ils croyaient en ces versets-là. Donc ça augmentait leur foi aussi, du fait que ça augmente les versets auxquels ils croient. Et également, ils allaient les mettre en application, ces versets-là. Et donc, ça allait en même temps leur faire augmenter leur adoration et leur application de l'islam, et on a dit que la foi elle augmente avec les obéissances. Donc ça c'est des choses qui font augmenter la foi, et donc lorsque des versets descendaient, les croyants se réjouissaient parce qu'ils savaient que leur foi allait augmenter quand ces versets-là étaient révélés. Tandis que les munafiqoun, eux, eh bien, ça rajoutait de l'impureté à leur impureté. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, ah ça y est, il y a d'autres versets qui sont révélés, on va avoir à appliquer plus d'autres ordres, d'autres choses, comme si ils trouvaient que c'est déjà, qu'est-ce qui était révélé, c'était déjà assez ou c'était trop pour eux. Là, ils voient qu'il y a d'autres versets qui sont révélés encore plus, et parfois ce sont même des versets qui les démasquent et qui montrent leur hypocrisie. Alors, pour eux, ça les égarait encore plus, ça les éloignait encore plus. Et étant donné qu'ils n'allaient pas les appliquer, qu'ils n'allaient pas croire en ces versets-là, eh bien, ça les faisait encore plus s'égarer et augmenter leur impureté. Et donc, ils cherchaient des occasions pour se faufiler, pour s'en aller, au lieu d'écouter les versets, ils voulaient s'enfuir. Et donc, ça c'est des exemples qui sont mentionnés dans le Coran, dans Surah Tawbah, versets 124 à 125, jusqu'à 127, le cheikh il mentionne et dit, et chaque fois qu'une sourate est descendue, il y en a parmi eux qui disent « Lequel d'entre vous a trouvé que sa foi a augmenté à cause de ce verset-là, ou à cause de cette sourate ?» Et ceux qui ont cru, ils disent « Notre foi, elle a augmenté » et ils se réjouissent de ça. Tandis que ceux qui ont une maladie dans leur cœur, c'est-à-dire les hypocrites, ça n'a fait qu'augmenter de l'impureté à leur impureté. Et après, il mentionne justement dans le verset 127, et lorsqu'une sourate est descendue, ils se regardent, les munafiqins se regardent les uns les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous voit? Et puis ils se détournent et ils s'en vont, pour pas entendre les versets qui sont révélés. Et il dit, c'est Allah qui a détourné leur cœur parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas. Et ça, c'est donc une autre attitude, une autre situation des munafiquins. Ils n'aiment pas entendre la parole d'Allah et de son messager, et quand ils entendent les preuves qui sont citées, des fois par ça augmente leur déviation et leur éloignement de la vérité. ومن ذلك موقف الفريقين عند الجهاد في سبيل الله فالمؤمنون يرجون من ربهم عز وجل أن ينزل على رسوله سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار حرصا منهم على الجهاد في سبيل الله ونيل ما أعده الله للمجاهدين من جزيل الثواب فلما نزل الأمر بالجهاد بادروا مغتبطين فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأما المنافقون فإنهم عندما نزل الأمر بقتال أو بالقتال أصابهم الذرع و يعني الخوف والخوف وصاروا ينتحلون الأعذار تلو الأعذار للتخلف عنه قال تعالى عن موقف الفريقين ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وقال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون لشيخ الزي et parmi les positions aussi, les événements, les situations, il y a l'attitude des deux groupes, des croyants et des munafiqins face au jihad fi sabilillah. Les croyants, ils souhaitaient de la part de leur Seigneur que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre une sourate qui leur ordonne de combattre les kuffars. Parce qu'ils avaient un désir ardent de lutter dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux mujahideen de la grande récompense qui leur était réservée. Puis lorsque l'ordre du djihad est descendu, ils en ont profité de cet ordre-là et ils ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Tandis que les hypocrites, eux, eh ben, lorsque l'ordre du combat est descendu, ils ont commencé à avoir peur et ils ont commencé à chercher des excuses les unes après les autres pour justement s'éloigner et éviter le combat. Bien entendu, à l'époque actuelle, quand on mentionne quelque chose qui a rapport avec djihad ou le djihad, il y a beaucoup de musulmans qui ont peur justement à cause des événements qui se sont produits dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans aussi, des gens qui font des actes de terrorisme et qui font des attentats et des choses de ce genre. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le djihad et c'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Hein. Et il faut bien comprendre que le djihad dans l'islam, c'est pas quelque chose qui est organisé par des groupes hein, qui se cachent ou qui sont secrets puis qui décident de frapper à gauche ou à droite ou de faire des actes de terrorisme comme ça. Le djihad, c'est organisé et ordonné par le chef d'État dans un pays musulman. Et c'est lui qui gère l'armée et qui détermine qui va combattre et qui fait partie de l'armée, qui va aller au combat. Et c'est lui qui fournit les armes pour son armée. Comme la France, elle a une armée. Les pays musulmans, ils ont des armées. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas une armée. Ben, c'est ça. C'est une armée d'un pays qui va combattre une autre armée avec les règles de l'islam, selon les règles de l'islam et le respect des règles de l'islam. Hein. Et il y a plein de règles, de conditions à prendre en considération pour faire le djihad. C'est pas, comme ça, n'importe comment, n'importe où, n'importe qui, n'importe quoi. Tandis qu'aujourd'hui, qu'est-ce que certains ils pensent du djihad? C'est juste une façon de se venger, puis de faire du mal aux kuffars, et ils ne savent même pas qu'est-ce que ça signifie réellement le djihad. Donc c'est pour ça que c'est important. Et il y en a des gens qui veulent pas qu'on mentionne même le mot djihad, parce que si tu parles de ça, ça y est, c'est fini. Mais au contraire, c'est important, comme Cheikh Al-Fawzan, il le disait dans ses durus parfois, il dit, il faut en parler et il faut expliquer justement la réalité à ce sujet-là pour réfuter justement ces menteurs et les autres qui dépassent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui font des actes de terrorisme au nom de l'islam et au nom du djihad pour que les jeunes puissent savoir la réalité de ce que ça signifie dans l'islam. Hein. Et yani, bien entendu, il réfute constamment, les ulama réfutent constamment les groupes de bid'a et les khawarij qui appellent justement à tuer les gens et à faire couler le sang et à faire le takfir et à se rebeller contre les dirigeants et également à tuer les musta'manin et les mu'ahadoun parmi les kuffars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre les musulmans qui tue un kafir, qui a une entente de paix avec les musulmans, celui-là, il ne sentira même pas l'odeur du paradis. Donc comment ces gens-là peuvent croire qu'ils sont en train de faire le djihad de sa ville là, alors qu'ils combattent sans la permission d'aucun dirigeant, et qu'ils font du désordre sur la terre et qu'ils tuent des innocents? Ça, ça n'a rien à voir avec le djihad. Mais le vrai djihad que Allah a ordonné avec le dirigeant, celui-là, celui qui le fait, il est au contraire parmi les meilleurs des hommes. Et Allah les a glorifiés et a fait leur éloge dans le Coran, dans plein de versets. Donc c'est ça ici que le chef est en train d'expliquer, il fait la distinction entre l'attitude des croyants lorsqu'il y a eu les versets qui ont parlé du djihad et les versets qui l'attitude des munafiqins. Donc subhanallah, vous voyez des gens qui disent oui, il faut que il y a des versets, on voudrait qu'il y ait des versets qui descendent, qui soient révélés et qui nous permettent de combattre, qui nous donnent la permission de combattre. Et ils souhaitent ça parce qu'ils veulent la récompense. Au moment que le verset descend, ça c'est l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le test. Maintenant le verset il est descendu, maintenant ceux qui étaient véridiques, ils ont été heureux de ça. Ils se sont réjouis, ils ont dit oui. Tandis que ceux qui étaient des hypocrites, au contraire, ils ont, quand ils ont reçu la nouvelle de la révélation de ce verset, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il les a décrit dans un verset, il dit dans le verset, dans Surat Muhammad, le verset 20 et 21, il dit ceux, il y en a qui disent nous croyons. Ceux qui ont cru, ils disent pourquoi il n'y a pas une sourate qui est descendue avec l'ordre du combat. Et lorsque la sourate est descendue et qu'elle est claire, muhkama, et que dedans il y a la mention du combat, tu vois une partie des gens qui ont une maladie dans leur cœur, ils te regardent comme celui qui a peur de mourir, comme celui qui est près de la mort. Il dit que ce serait meilleur pour eux, et mieux pour eux, d'obéir et de dire une bonne parole. فَإِذَا أَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Et donc, lorsque vient le moment du combat, s'ils sont sincères et qu'ils sont véridiques, et qu'ils remplissent la promesse d'Allah, l'ordre d'Allah, ce serait mieux pour eux d'obéir à ce moment-là et de combattre comme Allah leur ordonne. Dans le verset 44 et 45 dans Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui croient en Allah et au jour dernier, ils ne te demandent pas la permission de rester derrière par rapport au combat avec leurs biens et avec leurs personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît bien ceux qui sont les muttaqins, ceux qui ont at-taqwa. Donc, ceux qui demandent la permission pour ne pas aller au combat, ce sont ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et qui ont des doutes dans leur cœur, et donc ils ont plein d'hésitations, et ils refusent d'aller au combat à cause de leurs doutes et de la faiblesse de leur foi. Donc on voit ici que la foi dans l'islam, elle est toujours mise à l'épreuve, et que dans ta vie, il y a toujours des choses qui vont se produire, qui vont te faire ressortir la réalité de ta foi. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Quand je dis que je suis un croyant, est-ce que je suis vraiment sincère? Et quand les épreuves viennent, c'est là que la réalité sort. Le cheikh il dit, et ça c'est le dernier point que le cheikh a mentionné à ce sujet-là, il dit وَمِنْ ذَلِكَ مَوْقِفُ الْفَرِيقَيْنِ عِنْدَ مُضَايَقَةِ الْكُفَّارِ لِلْمُسْلِمِينَ فَالْمُؤْمِنُونَ يَزِيدُونَ بِذَلِكَ ثَبَاتًا عَلَى دِينِهِمْ وَيَقْوَى يَقِينُهُمْ بِوَعْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَهُمْ بِالنَّصْرِ. وأما المنافقون فإنهم يبلغ منهم الخوف كل مبلغ ويسوء ظنهم بالله وبرسوله. قال الله تعالى عن موقف الفريقين عندما أحاط أحزاب الكفار بالمسلمين من داخل المدينة وخارجها وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من هول الموقف. فقال عن موقف المؤمنين عند ذلك ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال عن موقف المنافقين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يستأذنك فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Donc le chef il dit que également on voit l'attitude des deux groupes se distinguer lorsqu'il y a des difficultés qui atteignent les croyants de la part des koufars et que les koufars commencent à donner des problèmes aux croyants à cause de leur religion. Et nous, on est un peu dans cette situation-là maintenant, puisque lorsque certains des musulmans veulent appliquer des applications de l'islam, que ce soit par exemple les femmes musulmanes qui veulent porter le sitar ou bien le niqab ou d'autres choses comme ça, ou le hijab à l'école ou des trucs comme ça, il y a toujours des difficultés, et aussi pour d'autres choses dans la société parfois, on veut donner des difficultés aux croyants. Et il y en a parmi les mu'minines, quand ils voient ces choses-là, au contraire ça augmente leur foi, et ils savent que c'est une épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils restent fermes, et ça augmente leur conviction et leur certitude face à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la victoire. Donc ils savent que ça c'est des signes de la victoire qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ça commence à être difficile comme ça, ça c'est les signes que la victoire elle arrive, la victoire elle est proche. Et en ce qui concerne les munafiquins, eux, eh bien ils commencent à avoir peur et ils commencent à avoir une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et yani, ils cherchent un moyen de s'enfuir, de se détourner de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent satisfaire les pouvoirs et répondre à leurs attentes et dire oui, oui, et etc. de cette façon, sans rester ferme sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit qu'en ce qui concerne les munafiqoun, ils ont tellement peur et ils ont tellement une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala que, comme on voit dans la description qui est mentionnée à leur sujet dans le Coran, c'est que leur cœur leur remonte à la gorge. Et il y a un événement qui s'est produit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était Ghazwatul Ahzab, c'était lorsque tous les différents groupes se sont ralliés ensemble, tous contre les musulmans, tous les koufars, les différents groupes des mouchriquines et des koufars, se sont tous mis ensemble contre les musulmans et contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir encercler Médine et pour combattre les musulmans, pour dire on va en finir avec les musulmans. Et donc à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit la situation et la position des croyants et la position des mécréants vis-à-vis de cet événement-là. Il n'y a pas eu de combat à la fin, mais c'est juste pour dire que c'était quand même une fitna pour les gens et qu'on a vu apparaître le vrai visage de certains d'entre eux qui se disaient être parmi les croyants mais qui ont pris une autre attitude lorsque la fitna est arrivée. Et c'est le verset 22 et 23 dans Sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque les croyants ont vu les coalisés ou les différents groupes qui se sont réunis contre les musulmans, ils ont dit voilà ce que Allah avait promis et Allah et son messager avaient certes dit la vérité. Et ça n'a fait qu'augmenter leur foi et leur soumission. Et parmi les croyants, il y en a des hommes qui ont été véridiques et sincères face au pacte qu'ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a d'autres qui sont morts, il y en a d'autres qui attendent encore et ils n'ont pas changé, ils sont restés toujours fermes et droits sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne l'ordre des hypocrites, la position des hypocrites, ils ont dit, ceux qui ont été les munafiqoun, ils ont dit, c'est-à-dire ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ils disent, ce que Allah et son messager nous a promis n'est que de la tromperie. Ils n'ont pas cru à ça. Et ils ont dit, certains d'entre eux, oh les gens de Yathrib, vous ne pouvez pas affronter ces gens-là, vous n'êtes pas capable de rester ce jour-là face à ces gens-là, alors retournez chez vous. Et un groupe d'entre eux demandait la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de rester chez eux, de ne pas venir affronter l'ennemi. Et il ne voulait par ça que s'enfuir de l'événement ou de la situation. Donc, quand tout va bien, c'est facile de dire qu'on est croyant. Quand tout va, comme on dit, quand la vie est rose, hein, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et c'est facile. Hein. Il y a des situations, il y a des époques dans l'histoire de l'islam où les musulmans ont été victorieux, où les musulmans ont été très forts et qu'ils ont réussi à conquérir beaucoup de terres et établir l'islam et le tawhid un peu partout. Toutefois, il y a d'autres périodes où les musulmans ont subi des défaites et qu'ils ont été éprouvés à cause de leurs péchés, à cause de des innovations qu'ils avaient faites. Ils se sont divisés entre eux, ils se sont raffaiblis. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis pour ça, en même temps pour les corriger, pour leur donner une leçon, pour qu'ils reviennent au droit chemin. Et ces moments-là, c'est des moments de faiblesse qui atteignent les croyants. Et dans des situations pareilles, les croyants doivent demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, revenir sur la vérité, revenir au Coran et à la Sunna et corriger justement leurs problèmes. Toutefois, il y en a qui ne voient pas les choses de cette manière-là, ils voient les choses d'une manière plus matérialiste. Et ils se disent, bon, maintenant on est faible, les musulmans sont faibles et les koufars ont la force. Donc, ils penchent vers les koufars et ils se mettent avec eux. Et ils se mettent parfois même contre les croyants, hein, en disant que moi, ce qui compte pour moi, c'est d'être avec les forts. Pas d'être avec les croyants, mais d'être avec ceux qui sont forts et ceux qui ont le dessus. Et ils ne savent pas qu'en réalité, la puissance et la force appartiennent tout entière à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a. Si tu veux la force et la puissance sur la terre, tu restes avec Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'important. Et donc, tout ça c'est des épreuves, comme le Cheikh dit, innahu al-ikhtibar al-qasi alladhi tajalla an najah al-mu'minin wa ikhfaq al-munafiqin wa tilka sunnatullah fi khalqihi. ولن تجد لسنة الله تبديلا وهذا ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإيمان وأن يعيذنا من النفاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ الزيد donc ça c'est la deux épreuves et par cette épreuve là on a pu distinguer ceux qui ont eu le succès parmi les croyants et on a pu voir la réalité des munafiqin et ça c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et elle ne changera pas. Hein, c'est pas seulement des choses qu'on dit, ah, ça c'est arrivé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini. Non, aujourd'hui encore il y a des épreuves pour tout le monde, pour tous les croyants dans la vie. Il y en a qui ont des épreuves plus faciles, parce que ce sont des croyants ordinaires qui ont une foi, plus faible. Et il y en a d'autres comme les prophètes et les messagers qui ont une grande foi et donc qui ont des grandes épreuves à cause de ça. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les hommes seront mis à l'épreuve selon le niveau de leur foi. Donc celui qui a une grande foi, qui est fort et comme les messagers, eh bien eux ils ont des grandes épreuves et des épreuves très très difficiles. Et les ulama et les autres qui font la da'wa et etc. Tandis que les musulmans ordinaires, chacun d'entre nous, quand on vient à la mosquée, on prie, quand on va travailler, quand on sort dehors, on a des épreuves dans notre vie de tous les jours, selon le niveau de notre foi, selon le niveau de notre compréhension, de notre pratique, et donc on est mis à l'épreuve par Allah chaque jour. Et on doit essayer, Inch'Allah, de faire notre effort pour traverser ces épreuves-là avec succès, Inch'Allah. Donc comme le Cheikh il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermer dans la foi et de nous protéger contre le nifaq et contre l'hypocrisie. Et il termine en disant Alhamdulillah Rabbil Alameen et il envoie la paix et le salut sur le messager et sur ses fidèles et ceux qui ont cru et qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection de la meilleure manière. Walhamdulillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fikum barakatuh.